Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je veux faire une petite exhortation. Cette exhortation concerne des bien-aimés qui sont en Christ parfois depuis longtemps. Ils ou elles veulent se marier, mais beaucoup sont déçus. Beaucoup se sont fait avoir par des faux frères qui étaient dans l'église, qui ont utilisé la ruse. Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie. Et certaines sœurs, touchées par ce mensonge, sont tombées dans le piège. Vous avez comme ça, je connais un gars qui changeait d'église en église, un garçon élégant. Quand il arrive dans une église, les yeux sont sur les femmes de l'assemblée. Quand le mec garait sa voiture, une voiture de luxe, il s'habillait classe. Et quand il arrive dans une église, les yeux sont sur les femmes de l'église, sur la chorale. Et quand il va choper un, deux, trois, une fois que son nom commence à faire un petit bruit, une fois que le pasteur est au courant du jeu qu'il fait, il disparaît. Il va dans une autre église. Et des sœurs sont déçues. Des sœurs en Christ qui vivaient dans la sanctification se retrouvent encore abattues. Bien-aimé, je veux te dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première personne qui te déteste, qui n'est pas d'accord avec l'acte que tu poses, c'est le diable. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. C'est comme je l'ai dit la dernière fois dans une vidéo, que Apocalypse chapitre 12 nous raconte qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Cette guerre opposait les anges de Dieu au diable et à ses démons. Mais la Bible raconte que Satan a perdu la guerre. Et quand il a perdu la guerre, il a été jeté sur terre. Donc, les êtres humains que nous ne sommes pas les seuls habitants de la terre. Tous ces gens-là qui ont perdu la guerre au ciel, Satan et ses démons, ils sont au milieu de nous. Et leur mission première, c'est d'empêcher tout homme d'être sauvé. C'est la raison pour laquelle Satan a lié le monde entier dans le monde. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas sortir du monde, parce que Satan les a déjà enchaînés au chaud du monde. Tu vas entendre quelqu'un qui te dit, mais moi je ne peux pas vivre si je ne peux pas boire de l'alcool. J'ai entendu un beau frère me dire, mais attends, vous exagérez, moi je préfère mourir catholique. Mais c'est quoi votre Dieu là? Un Dieu où... Ça veut dire quoi? Je vais rester toute ma vie qu'avec une femme. Vous abusez. Vous abusez. Je dois faire ma vie que tout, avec une femme. Je ne touche pas aux autres. Non, non, non. Vous abusez. Alors que ce monsieur, il disait, non, vous êtes des sectes. Vous êtes des sectes. Mais quand on est resté à deux, il m'a dit, mais beau frère, vous abusez. Une femme, quand même. On est un homme. On ne peut pas finir ma vie qu'avec une femme. Vous abusez. C'est-à-dire que Satan a lié les hommes et les femmes dans les choses du monde. D'autres sont attachés au gris-gris. D'autres sont attachés à plein de choses. Je me souviens d'une femme, elle avait des gris-gris. On lui a imposé les mains. Elle était venue à une séance. Et on faisait des prières et des délivrances. Et je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur Jésus l'a délivrée. Le Seigneur l'a guérie. Et cette femme, quand elle a été délivrée, elle a dit, venez dans ma chambre. Je vais vous montrer un truc. Et on a envoyé comme c'était une chambre d'une femme. Nous les frères, on a préféré rester dehors. Et on a demandé à une sœur de l'accompagner dans sa chambre. Quand la sœur est revenue, elle avait un paquet comme ça. Les fétiches que la grand-mère de cette dame avait donné à cette dame. Elle nous a expliqué que si vous rentrez chez moi là, vous allez voir la moquette des meubles de valeur. Télé, grand écran et tout. Et pourtant, je n'ai même pas eu le brevet à l'école. Je n'ai pas fait l'école. Mais les choses que vous voyez là, c'est la grand-mère avant de mourir qui m'avait donné ce paquet. Il m'avait dit, avec ça, même les ministres vont te suivre. Avec ça, tu ne peux pas passer inaperçu devant les hommes. Grâce à ce fétiche-là, les hommes. Il dit, venez voir chez moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens dans le monde sont attachés à des choses. D'autres sont attachés aux boîtes de nuit. C'est trop lui demander, Jésus, je veux bien te suivre, mais... Tu ne peux pas laisser les boîtes de nuit. Jésus, j'ai bien envie de te suivre, mais ne plus boire. Ah non, Jésus, j'ai bien envie de te suivre, mais je ne peux plus avoir des copines. Je ne suis pas d'accord. Donc, les gens sont liés au chaud de la terre. Et c'est pourquoi ils résistent à Jésus. Tout le monde veut aller au paradis. Les païens là qui ne veulent pas venir à l'église, ils ne refusent pas le paradis. Un païen veut aller au paradis. Mais c'est le fait d'abandonner les choses de la chair, c'est ça le problème. Parce que vous avez des gens, ils vont d'adultère en adultère. Et on va lui dire, il faut laisser ça. Vous avez des gens, la Bible dit, il faut être fidèle. Ah non, c'est trop me demander. Toute une vie qu'avec une femme, ah non. Ah non, comment je peux vivre? Je ne peux même pas prendre un petit verre. Comment je peux vivre? Je ne peux pas aller danser en boîte. C'est-à-dire, c'est les choses de la chair qui font que les gens refusent Jésus. Ce n'est pas le paradis. C'est parce qu'ils aiment le monde. C'est parce qu'ils aiment les choses de la chair qu'ils refusent Jésus. C'est ça le problème. Toi qui veux se marier, ma soeur, mon frère, il faut prier. Attention. Parce que s'il faut se marier pour vivre un foyer de tempête, de dispute, de guerre de haine, ça ne sert à rien. Jésus a dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Ça, c'est ce que Jésus dit. Ça veut dire quoi? Le joug de Jésus, avec Jésus, il y a un joug, mais il est doux. Avec Jésus, il y a un fardeau, mais il est léger. Ça veut dire que quand vous entendez quelqu'un dire, une femme ou un homme marié ou une femme dire, non, moi je préfère divorcer, j'en ai marre. Je ne peux plus supporter. Mais on ne peut pas supporter ce qui est lourd, mais on peut supporter ce qui est léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le partenaire que Dieu a préparé pour toi, ce sera un joug pour toi, mais ce joug-là est doux. Il sera un fardeau parce qu'il n'est pas ta photocopie, vous n'avez pas reçu la même éducation, vous ne revenez pas de la même ethnie ni de la même famille. Chacun a reçu l'éducation dans son coin. Cette personne n'est pas ta photocopie. Donc, ce sera un fardeau quand même pour toi, mais un fardeau léger. Quand un fardeau, regardez ça, là c'est un bout de papier. Je peux faire 50 km avec ça à la main. Je ne dirais pas, ah c'est trop, là c'est insupportable. Mais si on me donne un sac de riz ou un sac de ciment, avant même 100 mètres, je suis déjà fatigué. Ça veut dire que la personne que Dieu a préparée pour toi sera un fardeau, mais un fardeau léger. Ce sera un joug, mais un joug doux. C'est pourquoi Jésus a dit, mon joug est doux, mon fardeau léger. C'est que Dieu te donne. Mais quand tu entends, ah non, moi je ne peux plus supporter. Non, oh là là, j'ai tout essayé. Non, c'est trop fort. C'est plus fort que moi. Tu es tombé sur la mauvaise personne. C'est la raison pour laquelle, quand tu veux chercher un partenaire, lorsqu'on était dans le monde, on avait des mobiles charnels. Il faut qu'il soit beau garçon. Il faut qu'il soit. C'est-à-dire que lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Attention à ce que tu cherches. Tu es une sœur en Christ. Ça ne sert à rien d'être avec le gars le plus beau. Il est cadre supérieur. Un mec que tu verras peut-être 2-3 jours. Il a les femmes de gauche à droite. Quelle paix! Tu ne seras pas dans la joie. Tu ne seras pas dans la joie, tu seras tout le temps sur le qui-vive. À chaque fois que son téléphone sonne, tu es en train de dire, mon Dieu, c'est quelle femme encore qui appelle? C'est-à-dire tu seras tourmenté. Et Dieu ne veut pas que tu te retrouves dans des situations comme ça. Tu n'auras pas de paix. À chaque fois que son téléphone sonne, même si tu prends la douche, mon Dieu, quelle est la femme qui l'appelle encore? Et là, tu souffres. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut que lorsque tu approches le partenaire, que tu saches quelle est sa relation avec Jésus. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? C'est ce qu'il faut regarder pour que tu sois dans la paix. Donc, des gens qui ont l'habitude de dire, oh, c'est un païen, je veux l'amener dans l'église. Là, tu es mal passé, un piège du diable. Oui, la personne a peut-être l'apparence physique qui t'attire. Oui, la personne a peut-être le rang social que tu recherches. Oui, mais quel est le cœur de la personne? Quel est le cœur de la personne? D'accord? La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ton irritation. Quand vous allez être à la maison, est-ce que c'est quelqu'un qui va dire, ah non, ma chérie, elle est fâchée, il faut que je règle le problème, il faut que je demande pardon. Mais quelqu'un qui est charnel est orgueilleux, il n'a pas de pardon à demander. Il sait qu'il est beau, il sait qu'il a le fric. Donc, même si tu prends tes valises, il s'en fout, d'autres filles sont dehors, et ils n'attendent que le claquement de doigts. Donc, ne cherchez pas des situations de galère. Ne cherchez pas des mariages où vous allez souffrir. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est une honte de voir que dans le milieu d'enfants de Dieu, il y a des divorces. Parce que les gens ont été motivés sur des bases charnelles. Les gens se sont appuyés sur l'apparence physique ou bien sur le rang social de la personne. Ah, c'est un ingénieur. Parce que tu entends, une sœur disait à une de ses copines de l'église, « Ah, il y a un mec qui me demande la main là. Il fait quoi? Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie ?» Tout de suite, c'est ce qu'on demande. Il fait quoi dans la vie? Mais on ne demande même pas, est-ce qu'il a Jésus? Est-ce qu'il est mûr spirituellement? Tout de suite, c'est, ah, il te demande la main, hein, ouais, mais il fait quoi dans la vie? Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les gens s'appuient que sur des trucs charnels. Mais il peut être ingénieur, médecin, directeur général de nanana, et avoir un cœur amer. Il sera indifférent quand tu pleures, c'est pas son problème, il démarre sa voiture, il part. Et tu appelles ça un mariage? Et tu vas souffrir parce que tu as fait une recherche basée sur le physique. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. La Bible dit que Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Cherche la personne avec laquelle tu vas connaître la paix. C'est ça qui est important. Un homme, quand tu es une soeur, quand tu commences à bouder, il est malade. Il faut que le problème soit réglé. Pas quelqu'un qui va claquer la porte, il démarre sa voiture, il part. C'est pourquoi chercher la volonté de Dieu. Dieu a pour toi des projets de paix et non de malheur, pas des projets de pleurs, pas des projets de colère, de haine, de souffrance. Dieu a pour toi des projets de paix. Donc, arrêtez de faire vos recherches sur des bases charnelles. Quand on était dans le monde, on cherchait les choses sur les bases charnelles. Maintenant, on est en crise. Donc, il faut prier le frère qui te demande la main. Pose-lui des questions dans sa relation avec Jésus et non qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est pas ça que tu dois mettre en premier. Ce qu'il fait dans la vie, c'est pas ça. C'est pas ça. D'accord? Parce que même des monstres, des sorciers, de tout ce que vous voulez, des francs-maçons, des rosicruciens, ce sont des cadres, des directeurs et compagnie. Et pourtant, tu vas souffrir. Tu vas coucher avec un homme qui fait des incantations quand il est sur ton ventre. Il communique des trucs en toi. Il est cadre supérieur, n'est-ce pas? Mais il est dans les loges. Mais il fréquente des marabouts. Donc, cherchez en premier. Donc, cette histoire, tu fais quoi dans la vie? Non. Un frère t'approche, vous partez prendre un petit repas, vous discutez. Tu veux connaître un peu quels sont tes fondements en Christ. C'est ce que tu dois mettre en tête. Parce que Dieu t'a appelé à la paix. Il faut que tu vives dans un couple. Même s'il n'y a pas de milliards dans votre couple, mais au moins tu as la paix. Tu as la paix du cœur. Ton mari ne découche pas. Il est à la maison, même s'il n'est pas milliardaire. Que d'aller épouser celui qui a l'argent et qui a des femmes de gauche à droite, qui n'a pas la crainte de Dieu. Même s'il va à l'église, mais il n'a pas la crainte de Dieu. Dieu ne t'a pas prédestiné au tourment, mais à la paix. Il faut que tu sois dans la paix. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Voilà. Donc, j'étais en train de te dire que tu sois frère ou sœur, mettez en premier le royaume de Dieu dans votre recherche. Cherchez d'abord à savoir dans le partenaire qui te demande la main, quelle est sa relation avec Jésus, quel est son degré de maturité spirituelle. Posez-lui les questions dans les Écritures pour que vous sachiez quelle est sa position par rapport à Jésus. Et non, tu fais quoi dans la vie? Non! Mieux vaut vivre avec quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois où tu as la paix, l'harmonie, la joie, que de vivre avec quelqu'un qui gagne 50 000 euros par mois où c'est des tensions, des disputes tout le temps. Ça ne sert à rien. Tu as des femmes de gauche à droite, à chaque fois qu'il prend la douche, toi tu prends son téléphone, tu fouilles, tu vois les SMS que les femmes ont envoyés. C'est ça que vous voulez. C'est pourquoi recherchez la paix. Mettez en premier, quand le frère te demande la main, vice-versa, hein, que ce soit une sœur. Quand vous cherchez la... Tu fais quoi dans la vie? Mettez ça de côté. Cherche d'abord à connaître la relation que la personne a avec Jésus. Pour que tu saches si tu as affaire à un vrai chrétien ou pas. Posez des vraies questions. En dehors de moi, est-ce que tu as déjà été fiancé à une autre femme? Oui ou non? Qu'est-ce que tu recherches une femme? Moi, je suis une chrétienne. Voilà ce que la Bible me dit. Qu'est-ce que tu en penses? Posez des vraies questions sur la parole de Dieu et non sur la situation de la personne dans la société. C'est ce que je tenais à vous dire. Que Dieu vous bénisse.